tout citoyen peut s'exprimer où il veut, quand il veut, qu'il appartienne oui ou non à un parti. Les libertés d'association, nous n'avons pas interdit. Ce que nous interdisons, c'est freiner l'action du Comité militaire de redressement national en créant des partis d'opposition. Les libertés d'association, tous les Guinéens l'ont. Mais les libertés d'association que nous voulons maintenant, c'est les libertés d'association pour le travail et non pas pour freiner notre travail. Les partis politiques, ils sont très importants. Quand le travail sera lancé, j'ai dit tout à l'heure, quand nous saurons que tous les Guinéens se sont responsabilisés, chacun veut travailler dans l'intérêt du pays, rien ne nous empêche d'accepter les partis politiques. Mais pour le moment, eux, les Guinéens, ils n'ont qu'à d'abord se mettre au travail pour développer leur pays. En juin 1984, le président tchadien Hissène Habré dissout le Frolina FAN, le Front de Libération Nationale du Tchad, Forces Armées Nationales, et crée un nouveau parti, l'Union Nationale pour l'Indépendance et la Révolution, l'UNIR. 4 ans plus tard, dans un club de la presse de RFI, il donne son point de vue sur le multipartisme et le parti unique.